540 polizia, 350 sokorritzaile, 4 bortxaketa salaketa izan dira, ze segida izanen duten galdegin diogu Caroline Pagisel prokuradore ordeari. C'est difficile à dire parce que chaque affaire est différente. On est globalement sur à peu près des chiffres qui sont relativement semblables à ceux de l'année dernière. Après, à ce stade des investigations, c'est compliqué de savoir quelles seront les suites judiciaires données à ces affaires. 480 salaketa orotara lapurretengatik eta 36 interpelaziotatik 28 atxiloketa izan dira. Horietan paperik gabeko bi atzerritar erretentzio zentrora eraman dituztenak eta beste bat Frantziako lurraldetik joateko obligazioa eman diotena. Hiru pertsonak hartzelatu dituzte basketengatik, Caroline Pagisel. Ces trois personnes ont été présentées devant la justice du tribunal correctionnel de Bayonne lundi après-midi dans le cadre d'une comparution immédiate et ils ont été chacun condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec un maintien en détention. 46 urteko pertsona bat komanda, etxera sartzean hiru pertsonek kolpatu baitzuten, bere atarian pixa egiten ari zirelarik oharra egin zielako. Pertsona horien seka ari da polizia. Caroline Pagisel. L'ensemble des caméras est étudié, donc c'est un travail extrêmement fastidieux et long pour permettre effectivement d'affiner les signalements que l'on a pu avoir, qui sont déjà très bien, et un portrait robot est également en cours de réalisation. 18 urteko gazte bat zendu da Donibane Loitzunen, bere etxean, Baionako bestetatik itzuli ondoan, alkola, popper eta beste droga batzu kontsumitu izana kontatu dute lekukoek. Autopsia eginen diotela gertaturiko argitzeko adierazi du prokuradore ordeak. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus sur ce qu'il a pu absorber, donc une autopsie va être réalisée dans la semaine et des prélèvements en toxicologie également. Bilan baikorra egiten du alere, Jean-René Etxegarai Baionako auzapezak. Ce bilan pour ce qui concerne l'édition 2023 des fêtes de Bayonne est un bilan positif. Un bilan bon enfant au regard de ce qu'a été une fréquentation qui est inédite puisque on sera certainement bien plus de Iaz baino 150 beste egile gehiago izan dela urten diote zenbakiek.